Bienvenue au Yoga Nidra. Exercice de détente profonde qui vous donnera la chance de transformer votre vie. Le Yoga Nidra se pratique allongé sur le sol. Les jambes légèrement séparées, les bras allongés le long du corps, ouverts pour dégager les aisselles, et les mains vers le ciel. Si vous êtes de nature Vata, je vous conseille de mettre un coussin sous vos genoux et une couverture confortable et chaude sur votre corps. Si vous êtes Pitta, gardez ce confort, mais évitez de mettre la couverture. Et pour notre ami Kappa, essayez de garder la simplicité pour éviter de vous endormir. Cette détente profonde se fait dans la conscience. Alors, je vous suggère de rester éveillé et attentif tout au long de la détente. Essayez de rester sans mouvement. Si vous sentez qu'une oreille vous pique, essayez de respirer sans bouger. Restez immobile tout au long de la détente. Nous allons se faire une phrase intérieure, un sankalpa, une phrase, une résolution positive et affirmative de quelque chose que vous voulez changer dans votre vie. Une phrase comme « Je suis fier de ma réussite ». On évite les phrases « j'ai peur de réussir » et « je veux réussir ». Donc, on veut seulement amener une phrase très courte, affirmative et positive dans le moment présent. Au lieu de dire « je vais réussir », « je réussis ». Donc, faites votre petite phrase, votre petit sankalpa que nous allons nous répéter à l'intérieur de nous durant le Yoga Nidra. Alors, maintenant bien installé, confortablement, êtes-vous prêt à cette détente? Êtes-vous prêt à ce Yoga Nidra? Gardez les yeux fermés tout au long de la détente. Et maintenant, répétez-vous à l'intérieur de vous votre sankalpa à votre rythme. Nous allons commencer la détente. Gardez votre respiration normale, sans rien contrôler. Prenez contact avec la pièce où vous êtes allongé. Sentez la texture du sol où vous êtes allongé. Sentez peut-être l'air qui circule dans la pièce. Sentez la température. Sentez les odeurs. Portez attention au bruit, peut-être à l'extérieur ou loin. Et maintenant, portez attention aux bruits qui sont tout près de vous, le plus près de vous. Sentez votre corps à chaque respiration qui se détend davantage, à chaque expiration, votre corps s'abandonne. Je vais compter jusqu'à 10, de 10 à 1, et à chaque nombre qui va descendre, vous allez vous détendre davantage. 10. Votre corps est abandonné sur le sol. 9. Votre corps se sent de plus en plus lourd. 8. Chaque partie de votre corps s'alourdit. 7. Votre corps se détend, comme s'il s'allégeait en même temps que s'alourdir. 6. Vous sentez que votre corps, tout doucement, s'allège et entre dans le sol. 5. Chaque partie de votre corps se détend davantage. 4. Votre corps entre dans une détente profonde. Vous êtes de plus en plus détendu. 2. Tout votre corps est complètement détendu. 1. Vous êtes dans une détente profonde. Nous allons faire une petite visualisation. Je vais nommer des parties de votre corps. Et à chaque fois que je vais nommer cette partie de votre corps, vous la laissez se détendre encore plus profondément. À chaque expiration. Nous allons commencer par le pied droit, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil et le cinquième orteil, le dessus de votre pied droit, le dessous de votre pied droit se détend, le talon, la cheville, le tibia, le mollet se détend, votre genou droit se détend, l'arrière de votre genou, la cuisse, la hanche, la fesse droite. Votre jambe droite est complètement abandonnée, complètement détendue. Maintenant, votre pied gauche, le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Le dessus de votre pied gauche, le dessous, le talon, la cheville, le mollet, le tibia et le genou gauche. L'arrière de votre genou, la cuisse, la hanche et la fesse gauche. Votre jambe gauche est complètement détendue et abandonnée. Vos deux jambes sont bien détendues, vos fesses et votre bassin maintenant, vos parties génitales. Votre bassin, votre coccyx, votre colonne vertébrale en partant du bas vers le haut, on monte. La colonne vertébrale jusqu'aux côtes, les côtes se détendent, les omoplates, jusqu'aux épaules. Maintenant, portez votre attention à votre main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Le dessus de votre main droite, la paume, le poignet, l'avant-bras, le coude, l'intérieur de votre coude droit, le biceps, le triceps et l'épaule droite. Votre bras est complètement détendu et abandonné. Amenez votre attention maintenant à votre pouce gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, le dessus de votre main gauche et la paume, le poignet, l'avant-bras, le coude gauche, l'intérieur de votre coude, le biceps, le triceps et l'épaule gauche. Votre bras gauche est complètement détendu et abandonné. Vos deux bras sont détendus, votre tronc est détendu, votre ventre, votre poitrine, votre cou, l'arrière de votre tête, le sommet de votre tête, le front, les tempes, les sourcils, les yeux, le nez, les joues, les oreilles, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, la mâchoire, la gorge. Votre corps complètement détendu. Laissez votre cerveau se détendre, les poumons, le cœur, l'estomac, les intestins, intestin grêle, le gros intestin, le côlon, et tous les organes de transformation, foie, rate, rein, vésicule biliaire, et tout ce qui sert à transformer. Laissez votre système lymphatique se détendre, le système sanguin, le système nerveux, le système musculaire, tous les muscles se détendent. Laissez vos os se détendre, la moelle, et toutes les cellules de votre corps sont complètement détendues et abandonné à cette détente profonde. Je vous invite maintenant à visualiser un lac, des oiseaux qui volent dans le ciel, une montagne, le vent qui souffle et qui fait bouger les feuilles dans les arbres. Le son des oiseaux l'odeur de la terre. Une petite maison. Et des enfants qui jouent dans le salon. Regardez au sommet de la montagne ce pic enneigé, ces glaces éternelles. Dans un arbre, juste à côté de vous, vous voyez un nid. Et dans ce nid, des petits oiseaux. Des petits oiseaux. Et tout à coup, vient se poser le papa ou la maman qui vient les nourrir. Voyez la joie de ces petits oisillons qui reçoivent la nourriture avec hâte et plaisir. Et l'oiseau qui donne avec générosité pour nourrir ses enfants. Et tout doucement, vous le voyez repartir au vol. Il vole dans le ciel. Et il vient se poser sur une branche tout près de la maison. Il regarde les enfants qui jouent dans le salon. Il voit la joie de ses enfants. Le feu dans la cheminée. La lueur de ce feu magnifique. Il repart au vol. Il passe au-dessus du lac. Et dans ce lac, nous entrons tout doucement pour voir les poissons. De toutes les couleurs. Et nous ressortons du lac pour venir s'asseoir au bord de la plage. Le ciel est bleu. Il fait un peu frais, mais le soleil est chaud. Un contraste. On se couvre d'une belle couverture. On se sent tellement bien. Tout doucement, c'est nous qui nous dirigeons vers une autre petite maison. On y entre. feu est déjà dans la cheminée. On s'assoit avec notre couverture auprès de la cheminée. Et on voit le chat, un chat sur le bord de la fenêtre, qui regarde à l'extérieur, qui regarde les oiseaux. Quel décor parfait. Quelle sensation de bien-être. Le feu de la cheminée. Le petit chalet. Le fauteuil confortable. L'odeur de la nourriture qui mijote. Dans la mijoteuse. Et tout doucement, prenez contact avec votre sankalpa récité à l'intérieur de vous. Votre sankalpa trois fois. À votre rythme. Cette phrase affirmative et positive de votre nouvelle réalité. Prenez maintenant contact avec votre respiration qui est calme, et tout doucement, nous allons revenir au compte de 5. Dans un espace de conscience que vous connaissez déjà. Cinq. Prenez contact avec votre corps qui est complètement détendu au sol. Quatre. Prenez contact avec la couverture, s'il y en a une. Prenez contact de votre sensation de contact avec le sol. Prenez contact avec l'état de détente que vous vivez en ce moment. 3. Prenez contact avec cet état que vous vivez intérieurement au niveau énergétique, au niveau de la circulation de votre énergie dans votre corps. Deux. Vous êtes de plus en plus en contact avec la réalité Vous êtes maintenant revenu dans cet espace de réalité connue. Votre corps allongé sur le sol. et prêt à revenir dans le mouvement. Vous pouvez commencer par bouger les orteils, les pieds, les doigts, les mains, les poignets. Les avant-bras, les épaules peuvent faire des rotations légèrement juste pour réveiller la colonne vertébrale. Bougez les chevilles, les genoux, les hanches, le bassin, la tête d'un côté à l'autre. Amenez vos bras au-dessus de votre tête et étirez-vous du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous et relâchez. Votre corps est détendu, mais en même temps alerte. Alors, tournez-vous sur le côté gauche. Placez vos mains sous votre tête pour en faire un oreiller. Placez maintenant votre main droite en contact avec le sol et poussez dans le sol avec votre main droite pour vous asseoir. Asseyez-vous dans une position confortable. Placez vos mains sur le cœur. Laissez votre menton redescendre tout doucement vers la poitrine et remerciez-vous d'avoir pris ce temps. Remerciez-vous de ces actions que vous faites pour améliorer votre vie. Rempli d'amour et de compassion, vous pouvez réouvrir les yeux. Et rempli de cette belle énergie, je vous dis namasté. Namasté.